على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue inshallah ta'ala l'explication de Al-Wasiyat al-Sughra en langue française du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم فخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المرجع وعند الاستيقاظ من المنام وإدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقه فهذا أيضا من أفضل ذكر الله وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم. Donc ici, on va rentrer. Dans une question qui est bien précise et dont la réponse de Cheikh al-Islam va être également précise, c'est ce qui concerne donc la meilleure ou les meilleures des actions ou les meilleurs des actes ou les meilleures des œuvres après al-fara'ib, c'est-à-dire donc ce qui est obligatoire dans la religion. Il y a l'obligation, il y a là tout ce qui rentre dans les actes surrogatoires, méritoires. Et donc la question ici qui est posée par Abul Qasim, c'est quelle va être donc la meilleure des œuvres ou les meilleures des œuvres à faire après qu'on ait fini nos obligations. Car bien entendu, la personne, en premier lieu, elle s'accomplit, elle s'acquitte de ses obligations. C'est le devoir majeur envers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il doit accomplir, dont il doit s'acquitter. Donc ça va être ici la réponse à cette question du cheikh de l'islam. Et avant cela, on avait parlé de Husn al-Khuluq, le dernier cours, et la question que l'on va poser, est-ce que Husn al-Khuluq, c'est-à-dire le bon comportement, et avoir en soi et faire preuve d'un comportement vertueux, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel à l'homme, c'est-à-dire qu'il naît avec ses caractéristiques, ou est-ce que c'est quelque chose dont il va acquérir, dont il va acquérir dans son apprentissage et dans les efforts qu'il fait sur lui-même dans la religion. La question donc est la suivante, et la réponse, c'est qu'en réalité, il y a une partie qui est ce qu'on appelle jibilliyan, c'est-à-dire donc qui est naturelle, qui est, on va dire, prédisposée chez l'homme, et c'est sa fitra. Bien entendu, taïb, ça va être différent d'un homme à un autre homme. Et la deuxième catégorie, c'est ce qui est al-muqtasab, ce qu'on appelle al-muqtasab, c'est donc ce dont l'homme va s'acquérir, ce dont l'homme va acquérir comme bon comportement. Tayyib. La preuve, c'est que tout le monde voit qu'il y a des gens qu'ils ont ou qui ont des caractéristiques qui font partie du bon comportement, et même chez le non-musulman. Donc ici, c'est une preuve qui est plus que claire que la personne, elle naît avec cela, que certaines personnes naissent avec ce bon comportement, contrairement à d'autres. Et pour ce qui est de Al-Muqtasab, alors la preuve que l'on va donner ici, c'est une preuve d'un hadith ou qui repose sur la sunna, et qui est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit innama al-ilm bit-ta'allum, innama al-ilm bit-ta'allum, wa innama al-hilm bit-tahallum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science, on acquérit la science par l'apprentissage. Et on acquérit al-hilm, qu'est-ce que c'est? Al-anatu wa dhabt an-nafs. C'est-à-dire donc la douceur, le calme, être une personne qui est posée, et également dhabt an-nafs, c'est-à-dire donc le contrôle de soi-même. Donc ça, c'est ma'na al-hilm. Al-ana wa dhabt an-nafs, se contrôler, savoir avoir le contrôle total de soi-même, et également avoir la douceur, être posé et faire preuve donc de calme. Et c'est vrai que cela, chez des hommes, c'est inné. Des gens qui sont nés avec cela, qui ont le calme, ce sont des gens qui sont calmes, qui sont posés et qui maîtrisent totalement leur propre personne. Donc on voit que c'est inné. Et chez les autres qui n'ont pas cela, il est possible donc qu'avec l'effort, à l'ijtihad, à la nafsihi, ou al jihad à la nafsihi, donc faire l'effort sur soi-même, qu'il acquiert cette qualité, même s'il n'a pas au départ. Car le prophète Sassami nous dit, innama al-hilm bit-tahallum, innama al-hilm bit-tahallum. C'est-à-dire donc, ici, la personne qui a cela, et qui en plus fait des efforts ziyada, c'est-à-dire qui fait des efforts encore plus grands, alors il va parfaire cette qualité. Et celui qui ne l'a pas dès le départ, alors il va en acquérir, on va dire, un minimum dans ce qui est des degrés de ce bon comportement, de cette caractéristique. Donc ça, c'était pour préciser. Et comme nous le rappelle Charles Othémin, rahmatullah alayh, il nous rappelle qu'il est clair que celui qui va être plus apte à faire preuve de bon comportement, c'est celui dont c'est inné chez lui, mais en plus, il a fait donc l'effort de maîtriser cela. Il vient celui ensuite qui est inné, yani celui qui a eu ce bon comportement inné, et ensuite il vient celui qui est muqtasab, yani celui qui a eu ce bon comportement par les efforts qu'il a fait sur lui-même. Et pourquoi celui qui est inné c'est meilleur? Car lui, il n'a pas, déjà à la base, il n'a pas à faire d'efforts. C'est déjà inné en lui. Taïb. Donc c'est quelque chose qui, yani mulazim lahu. Tout le temps, il peut faire preuve de ce bon comportement sans avoir à faire des efforts, contrairement au deuxième qui doit faire le jihad de nafs. Donc d'un côté, bien entendu, il est meilleur dans cela, mais si on regarde d'un autre côté qui est al-ajr, c'est-à-dire la récompense, alors celui qui fait al-jihad, qui qui fait un effort sur lui pour acquérir ses bons comportements et ses caractéristiques, alors bien entendu, sous cet aspect-là, il est meilleur lui, car il fait un effort qui est plus considérable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc, le shir, il répond à cette question, quelles sont les meilleures œuvres après Al-Fara'id. Donc il va nous dire, فَإِنَّهُ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ جَوَابٌ جَامِعٌ مُفَصَّلٌ لِكُلِّ أَحَدٍ. Ici, on va rapporter une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, fil majmou', qui va nous expliquer cette parole-là. Il va nous expliquer cette parole-là en détail. Et si on l'apprend, c'est que c'est important de savoir ce qu'il a voulu dire par cela. Il nous dit, fil majmou' al-fatawa, وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. طيب. Dans un premier temps, il nous explique ici que dans les adorations, il y a ce qu'on appelle أجناس, c'est-à-dire des genres d'adoration. Donc on voit, il va partir du plus général ici, des genres d'adoration. Ces genres d'adoration, c'est en fait une catégorie, il va rentrer beaucoup de choses à l'intérieur, mais qui est spécifique par sa catégorie, Ani Bil Jins, et il nous donne l'exemple de, c'est pour ça qu'il dit donc Ajnas al-Ibadat, qu'on pourrait traduire par genre, les genres d'adoration, et il va nous donner dans un premier temps l'exemple de Jins Salah. C'est-à-dire le jar de la prière. Et dans la prière, bien entendu, il rentre beaucoup de choses. Il rentre les obligations, il rentre les prières surrogatoires, il rentre les prières qui sont faites par cause, dawat al-asbab, etc. Donc, ici, il va parler de façon générale. Pour ce qui est de la prière, il dit la prière, dans son jar, est meilleure que al-qira'a. C'est meilleur que la récitation. La récitation du Coran. Bien entendu, cela va de soi, car dans le Coran, ou Arfouan, dans la prière, on va retrouver Al-Qira'a, on va trouver du Dhikr, on va trouver du Dua. Donc toutes ces choses, elles sont déjà présentes dans As-Salah. C'est pour ça que c'est meilleur la prière comme jar, c'est meilleur que quoi? Que Al-Qira'a. De même, Al-Qira'a est meilleur que Al-Dhikr, le jar de ce qu'on appelle Dhikr, qui est donc le rappel. C'est meilleur. Pourquoi cela? Parce que, également, fil qira'a, lorsqu'on lit le Coran, on va retrouver. C'est un livre donc qui comprend le dhikr, qui comprend également des du'as, tayyib, comme on a pu citer auparavant. Et ensuite, le dhikr, il est meilleur que, en tant que jar, il est meilleur que l'invocation. Car le dhikr, ou a'am min du'a. Le rappel, il est encore plus général que du'a. Tayyib, donc c'est pour ça qu'ici, il nous donne, en tant que jar, le plus profitable et le plus donc le plus important. Ça donc la première chose. Ensuite, il va nous dire, donc on a compris que c'est par rapport au jar. Maintenant, il va détailler. Il nous dit wa taratan yakhtalif bi ikhtilaf al-awqat kama anna al-qira'ata wa adh-dhikra ba'd al-fajr wa al-'asr wa al-mashru' dun as-salah. Maintenant, on va regarder en ce qui concerne le temps. Donc on n'est plus dans le jar et dans la généralité. On rentre maintenant dans ce qui est un peu plus précis, un peu plus spécifique, et qui est le temps, az-zaman. Il va nous dire donc, si on regarde maintenant par rapport au temps, alors on va s'apercevoir que il y a des différences dans les temps pour ce qui est de la meilleure adoration que l'on va faire. Il va nous donner un exemple, il va nous dire que la lecture et le dhikr, le rappel, sont meilleurs après le Fajr et après le Asar que la prière. Car la prière, bien entendu, après ces temps-là, après le Fajr ou le Asar, on ne peut pas prier, une fois qu'on a fait nos obligations. Car Adam min al-manhi anhu, yani al-awqat al-manhi anhu, les temps où on ne peut pas prier durant ce temps, ou durant cette période qui s'étale entre ces prières-là. Donc, pour ce qui est tout de suite après le Fajr, pour ce qui est de après l'Asr, Tayyib, ce qui est ici le meilleur par rapport à ce temps-là, c'est Adh-Dhikr ou Adh-Du'a. Parce que la salat ici, elle n'est pas mashrou'a. والمشروع والذكر والدعاء والقراءة كذلك. Donc, à partir de là, Al-Qira'a ou Dhikr ou Dua, par rapport au temps, c'est meilleur. Donc, on voit ici, on est plus spécifique. Donc, si c'est par rapport au temps. Maintenant, par rapport aux actions apparentes, par rapport aux actions apparentes, il nous dit, وَتَارَةً بِاخْتِلَافِ عَمَلِ الْإِنسَانِ الظَّاهِرِ كَمَا أَنَّ الذِّكْرَ وَالدُّعَى فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْمَشْرُوعِ دُونَ الْقِرَاءَةِ كَذَلِكَ الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي الطَّوَافِ مَشْرُوعٌ بِالِاتِّفَاقِ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ ففي نزاع معروف عند العلماء. Donc, il nous dit maintenant par rapport aux actes, on va s'apercevoir, à titre d'exemple, que ce que fait l'homme comme action apparente, il y a ici également des différences entre les actes qui sont les meilleurs ou pas, si on prend donc cet aspect-là. Et il nous dit donc que le dhikr wa du'a, c'est-à-dire donc le rappel et l'invocation, durant notre ruku'u, lorsqu'on est à recours, lorsqu'on est dans la prière, et durant notre soujoud, durant l'inclinaison et durant la prosternation, c'est le al-mashru' dun al-qira'a, car il ne nous est pas permis de lire du Coran lorsqu'on est en état de recours, al-recours qui est donc l'inclinaison, et lorsqu'on est en état de soujoud qui est al-soujoud qui est donc la prosternation. Naam. Donc ici c'est meilleur. Tayyib. Alors qu'on a vu qu'en tant que jar, qira'a c'était meilleur. Car ici on est dans l'action apparente. Ensuite, kadhalika dhikru wa du'a fi tawaf. De même lorsqu'on fait le tawaf durant le pèlerinage. Alors il faut savoir que le dhikru wa du'a, c'est ce qu'il y a de meilleur à ce moment-là comme acte. Après les obligations, c'est ce qu'il y a de meilleur comme acte. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, bilittifaq c'est mashrou'. Bilittifaq c'est légiféré de faire le dhikr wa du'a durant le tawaf. Alors que al-qira'a, c'est-à-dire lire des versets du Coran durant le tawaf, il y a un nizar, il y a une divergence entre les savants. C'est pour ça que si on regarde sous cet aspect-là, on va voir qu'à ce moment-là, lorsqu'on fait cet acte apparent d'adoration, il est meilleur donc de faire le dhikr wa du'a. Tayyib. Ensuite, il nous dit, par rapport au lieu maintenant, al-makan. Et il nous dit, wa taratan bi-ikhtilaf al-amkina. كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. طيب. Donc maintenant, lorsqu'on toujours ici on dit le pèlerinage, lorsqu'on se trouve à Arafa et lorsqu'on se trouve à Muzdalifa, lorsqu'on se trouve au moment où on jette donc les pierres al-jimar, tayyib, lorsqu'on se trouve entre Safa ou al-Marwa, lorsqu'on fait Sa'i, il nous dit ici que le dhikr ou al-du'a, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'il y a donc, ou al-mashru'a, tayyib, dun al-salah, yani sans la prière. Donc on voit ici que le dhikr ou al-du'a, il est meilleur que quoi? Que la salah à ce moment-là, que faire la prière à ce moment-là. Alors qu'en tant que jar, c'était meilleur à salah, la prière que dhikr wa du'a. Donc ici, c'est bien par rapport au lieu. Et un autre exemple qui nous donne, at-tawaf lil-warid, c'est-à-dire la personne qui vient de son pays, de sa contrée, qui vient faire le hajj, ou qui vient faire la umrah, etc. Alors pour lui, il est préférable qu'il fasse quoi? Le tawaf autour de la maison, en tant qu'œuvre surrogatoire. Bien entendu, il est toujours bard al-fara'id. Il est meilleur pour lui qu'il fasse le tawaf. Et c'est meilleur même qu'il prie. C'est-à-dire, c'est mieux pour moi lorsque je visite Mekka, lorsque je fais mon pèlerinage, je fais ma Umrah, que j'ai fini, etc. Si je veux faire des œuvres surrogatoires, il est mieux pour moi que je fasse du tawaf, que je prie. Taïb. Par contre, pour les gens qui vivent à Mekka, alors ce qui est meilleur pour eux, c'est la prière. D'où notre tawaf. Donc on voit qu'il y a une différence ici par rapport au lieu. Et ensuite, par rapport au degré du jar de l'adoration. Darajat, il y a les degrés du jar de l'adoration. C'est pour ça qu'il va nous dire « Wataratan birtiref » Martabati jins al-ibada, c'est-à-dire par rapport au degré du jar de l'adoration. Et l'exemple qu'il va nous donner, el jihadu rijal afdalu min al-hajj, wa amma an-nisa fa jihaduhunna al-hajj. C'est-à-dire donc que pour l'homme, si on regarde maintenant quelle est la meilleure des actions, il va nous dire, en comparant avec al-hajj, il va nous dire el jihad, c'est-à-dire la guerre sainte, c'est préférable au hajj pour qui? Pour les hommes. Alors que pour les femmes, ce qui est préférable pour elle, et même ce qui est obligatoire, car elle n'a pas de djihad, la femme, c'est quoi? Son djihad à elle, c'est quoi? C'est l'accomplissement du hajj. Donc on voit ici encore par rapport au degré du jar d'adoration. Et il nous dit également notre exemple, وَالْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ طَاعَتُهَا لِزَوْجِهَا أَفْضَلُ مِنْ طَاعَتِهَا لِأَبَوَيْهَا. Et donc ici, la femme qui est mariée, obéir à son mari, c'est plus important qu'obéir à qui ? À ses parents. Tayyib. Contrairement à la femme ou à la fille qui n'est pas encore mariée. Bien entendu, elle, le plus important ici, c'est ta'atu walideha. Par contre, la femme qui est mariée, elle, c'est son mari. Donc ici, afdal, on voit bien également que c'est en tant que degré du jar de l'adoration. Martabat ou jins al-ibada. Et pour finir, le shir, il va nous dire que également, cela dépend de quoi ? De la capacité de l'homme. La capacité à accomplir les actes d'adoration. Car il va y avoir certaines personnes qui auront plus de capacité à faire telle ou telle adoration après l'obligation. Donc ici, on est bien dans le domaine de al-qudra, à la fi'l al-ibada. Donc ici, ça revient à la capacité ou à l'incapacité de la personne. C'est également ici un point qui est à prendre en compte pour cela. Et ensuite, une remarque qu'il va faire chez l'islam et qui est très importante, il va nous dire وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يَغْلُو فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَيَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ إِذَا كَانَ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ لِمُنَاسَبَةٍ لَهُ وَلِكَوْنِ أَنْفَعَ لِقَلْبِهِ وَأَطْوَعَ لِرَبِّهِ يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. C'est-à-dire donc qu'il y a des gens dans ce chapitre qu'on est en train de parler, les actes méritoires ou les actes surrogatoires, les meilleurs après les obligations, il y a des gens qui ont exagéré dans cela, qui ont fait preuve d'exagération, qui ont dépassé les limites dans cela. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, certains, ils suivent leur passion dans ce chapitre-là. Et ils voient que pour lui, lorsque lui, il voit que la meilleure chose que lui, il peut faire dans ses adorations, c'est telle ou telle, alors il le rend obligatoire pour tout le monde. Il dit, vous devez faire donc ces choses-là, c'est ça le meilleur. C'est-à-dire donc qu'une personne, quand elle va venir le voir, elle va lui demander quelle est la meilleure chose que j'ai à faire après les obligations, lui va répondre par rapport à ce que lui, il voit, et qui est meilleur pour lui. Peut-être pour lui, dans son cas, certaines adorations, elles sont plus favorables dans son cas. Il a plus la capacité à les faire. C'est plus profitable par rapport à la récompense de son Seigneur. Donc il veut mettre cela. Ces degrés donc d'adoration, lui veut les mettre ou il veut les appliquer à tout le monde. Et donc ça c'est une erreur, il nous dit. Et c'est pour ça que la personne qui va demander une nasiha et qui est de ce domaine-là, de savoir quelle est la meilleure des actions après l'obligation, alors il doit regarder donc son le cas de la personne. Et ça c'est le plus important. Il doit regarder le cas de la personne. Et comme il nous dit le shir, وَمَنْ يَكُنْ تَطَوَّعُهُ العلم أفضل له. C'est-à-dire il y a certaines personnes qui ont une capacité à apprendre ou le fait qu'il va apprendre la religion, c'est-à-dire apprendre la science, et qu'on dit ici l'apprentissage de la science, c'est ce qui est dans le domaine du surrogatoire. On verra qu'il y a deux catégories dans ce qui est de التعلم, dans ce qui est طلب العلم. Bien entendu ici pour ce qui est du domaine surrogatoire, le mieux pour certains, c'est la science. Donc si tu vois que cette personne-là, elle a des capacités, tu lui fais une nasiha, an yata'allam. Ou alors certaines personnes, elles jihad. Elles jihad fi sabilillah, c'est-à-dire la guerre sainte. Si tu vois que lui, anfa'alahu al jihad, alors tu lui conseilles le jihad. Tayyib. Ou alors, elle ibada, de manière générale. Yani al ibada, par exemple, as-salah, yani qu'il devienne un abid, quand tu vois qu'il a la patience dans le dhikr, dans les du'as, dans la qira'at al-Qur'an, dans la prière, il a une grande patience dans cela, alors conseille-lui cela. Donc ça dépend par rapport aux gens, par rapport à leur capacité et par rapport à ce qu'ils sont plus aptes à faire. Et ça donc c'est la meilleure des réponses que nous a donné Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il n'a pas répondu par une adoration bien précise, mais il nous a ici expliqué en détail ce qui était le mieux et ce qui était le plus favorable pour chaque personne. Et il nous dit pour finir que le meilleur à la kulli hal, c'est que l'homme il se rapproche de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il adorait son Seigneur? Qu'est-ce qu'il faisait en ces temps-là? Qu'est-ce qu'il faisait en ces lieux-là? Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Donc il apprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tente de faire et de se rapprocher le plus de cette pratique, qui est bien entendu la meilleure des pratiques et l'exemple même à suivre. Wa khayrul huda huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Également un point qu'on va développer ici par rapport donc au degré des gens. Si on parle ici bien entendu de l'adoration et ce qui est du domaine de l'obligation et du domaine des œuvres surrogatoires, alors il y a des gens, ils ont des degrés dans cela. Tayyib. Et par rapport à ces degrés, on a déjà indiqué cela dans les cours précédents. Il faut savoir donc qu'il y a 3 degrés. Il faut savoir qu'il y a donc 3 degrés. Et ces degrés-là, ils sont cités dans un verset du Coran. Wallah Azza wa Jalla yaqul subhanahu wa ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah dhalika wal fadl al kabir. Donc, parmi ceux à qui nous avons fait hériter le livre et qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses serviteurs, il y a celui qui est zalim li nafsihi. Zalim li nafsihi, c'est celui qui n'accomplit pas complètement les obligations. C'est celui qui n'accomplit pas obligatoirement les obligations et il tombe dans al-muharramat, il tombe dans les interdictions. Donc il a un grand manque. Ou un manquement. Il a un manquement par rapport aux obligations et il tombe fil muharramat. Ça, c'est valim li nafsihi. Et ensuite, muqtasid. Ensuite, c'est celui qui est économe. Il s'en tient juste aux obligations. Une personne qui s'en tient juste aux obligations. Il fait ses obligations, il n'en fait pas plus. C'est quelqu'un qui est muqtasid. Al-iqtisad, yani, quelqu'un ici, al-ma'na, qui est économe. Taïb. Et comme l'Arabi qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit qu'il faisait donc toutes ses obligations, qu'il priait ses 5 prières, et qu'il faisait donc ses obligations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti, il a dit « Aflaha in sadaq », c'est-à-dire donc qu'il va, il réussira s'il est sincère. Car nam, la première chose et la première étape, c'est de faire toutes ses obligations comme il se doit, et de s'écarter de al-muharram. Taïb. Et ensuite, il y a ceux qui sont considérés comme As-sabiqun bil khayrat. As-sabiqun bil khayrat. As-sabiqun ila al-khayrat. Yani ceux qui ont devancé les autres par les bonnes actions. Donc ceux qui ont fait un effort dans les actes surrogatoires. Et donc ça, c'est le plus haut degré des catégories des gens qui sont classifiés ici dans le Coran par rapport donc à leur acte. Et lorsqu'on parle également donc des termes qui sont employés, Al-Valim, l'Inafsi, Al-Muqtasid, également Al-Sabiqun Bil-Khayrat, il y a également le terme Al-Wali, Wali qui est venu donc dans le Coran et qui est venu dans la Sunna. Et tout le monde connaît ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith Qudsi, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit « Man aada li waliyan faqad aadhantu bil-harb » Yani celui qui va faire du mal, faire des préjudices à celui qui est nommé Wali, Al-Wali, donc le terme qui est employé Waliyan, faqad adhantu bil harb. Tayyib. Donc je lui déclare la guerre. Wallah al-musta'an. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilay mimma aftaradtu alay. C'est-à-dire, ensuite, il nous indique qu'il n'y a pas une chose qui est le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que quoi? Que ce qui est obligatoire. Donc ça nous prouve également ici le degré. وَمَا يَزَلُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّ Al-Hadith. Et ensuite donc, le serviteur, il ne cesse de se rapprocher de moi, avec quoi? Avec al-nawafil, jusqu'à que je vais l'aimer. Jusqu'à que je vais l'aimer, subhanahu. Donc pour acquérir cet amour d'Allah azawajal, la première étape, comme il est cité, c'est déjà faire ce qui est le plus aimé auprès d'Allah Azzawajal, les obligations. Et ensuite, de faire ce qui rentre dans le surrogatoire. Et pour ce qui est du terme Al-Wali, Al-Wali, Ibn Hajar nous en donne la définition. Qu'est-ce qu'Al-Wali? la définition auprès des gens de la sunna et du consensus. Pas le wali comme cela est défini par certaines sectes que l'on trouve dans l'islam, comme As-Soufia et d'autres. Al-Wali nous dit Wal-Alimu Billah. Wal-Alimu Billah. C'est celui qui connaît Allah Azzawajal. Il connaît Allah Azzawajal dans son Tawhid. Tawhid al-Rububiyya wal-Uluhiyya wal-Asma wal-Sifat. Il connaît le droit d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce qui incombe? Qu'est-ce qu'on doit concrétiser dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et également, Al-Muwadhibu ala ta'ati. Al-Mukhlisu fi ibadati. Al-Muwadhibu. C'est-à-dire celui qui fait de manière continuelle, tout le temps, l'obéissance. Et qui fait, lorsqu'il obéit à Allah Azzawajal, lorsqu'il pratique ses adorations, il est mukhlis. C'est-à-dire donc, il est sincère. Al-Ikhlas, comme on a dit, et comme l'a dit le shir, c'était Yanboua, la source même de tout le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous cite également le terme wali. Dans ce verset où Allah Azza wa Jalla il dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et donc al-awliya sont les, on le traduit par les proches, à la kulli hal on en reste au terme wali, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc al-awliya c'est le pluriel de wali. Al-awliya, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'auront pas à être tristes, pas à avoir peur dans ce qui va arriver dans le futur. Et non pas être triste, la yahzanun, ou hum la yahzanun, dans ce qui va passer, dans les choses qui ont passé, qui ont précédé. Ils n'ont pas été tristes par rapport à cela. Ceux qui ont cru, et ils étaient, au kanu, yattaqun, c'est-à-dire ils faisaient preuve de quoi? De taqwa. Et la taqwa, maintenant, tout le monde sait, avec détail, que ce que ça veut dire, et tout ce qui rentre dans la taqwa, pour être un muttaqi. Et c'est pour ça que les savants nous citent que les deux piliers de Al-Wilaya, Al-Wilaya bien entendu en rapport avec Al-Awliya ou Al-Wali, c'est Al-Iman ou Al-Taqwa, comme il est cité dans le verset. Al-Iman, la foi, Al-Ladina Amanu wa Kanu Yattaqun, et la Taqwa. Taïb. Ensuite, il cite le shir, il dit. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما وأفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Donc ici le shir nous rappelle كالإجماع, c'est-à-dire comme quelque chose qui est unanimement reconnu chez les savants, qui est unanimement reconnu chez les savants, que al-dhikr, c'est ce qu'il y a de mieux lorsque la personne, elle yusharil nafsahu, c'est-à-dire donc qu'il occupe soi-même. Car bien entendu, le dhikr, on peut le faire de partout. On peut le faire alors qu'on est en train de marcher, on peut le faire alors qu'on est assis, on peut le faire alors qu'on est dans un avion, dans un bateau, etc. Alors que même on ne peut se lever, yani le dhikr, on peut le faire à tout moment. Donc, dans ce cas-là, si la personne elle occupe de manière continuelle, et c'est pour ça qu'il dit bien le shir, anna mulazama tadhikr, ou al-mulazama, c'est le muawaba. C'est donc le fait de faire continuellement. Continuellement. Et c'est pour cela qu'on va citer une faïda. Ici. Ou avant cela, on va rappeler qu'est-ce que l'Ijma'. Il a dit qu'al-Ijma'. Al-Ijma', comme vous le savez, c'est une des sources de la législation, sur laquelle repose la législation. Donc la première source, c'est Al-Qur'an. La deuxième source, c'est Al-Sunnah. Et ensuite Al-Ijma', et ensuite Al-Qiyas. Et pour ce qui est donc de l'Ijma', la définition que l'on cite ici, c'est Ittifaq mujtahidi ummati Muhammad fi ayy asrin kana ba'da wafati Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hukmin shar'i. C'est donc qu'il y a unanimité auprès de ce qu'on appelle al-mujtahidun. Al-mujtahidun, c'est pas n'importe qui, bien entendu. c'est ceux qui connaissent le Coran, c'est ceux qui connaissent les textes du Coran, ceux qui connaissent les textes de la Sunna, ceux qui connaissent les bases de la religion, ceux qui connaissent les bases de la jurisprudence, ceux qui connaissent le général, du spécifique, l'absolu, du restreint ou du relatif, ceux qui connaissent l'abrogé et l'abrogeant. Ça, c'est le mujtahidoun. Donc, ittifaq mujtahidi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'unanimité des savants de la communauté, ou alors des mujtahids de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi asrin kana. C'est-à-dire à toute époque, à la seule condition, bien entendu, ba'd wafatin nabi sallallahu alayhi wa sallam, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort. Car al-ijtihad, il commence après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas avant. À la hukmin shar'i, c'est-à-dire ce qui concerne une loi ou un statut juridique. Une loi ou un statut juridique. Ça, c'est l'ijma'. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'al ijma'i bayna al-ulama ibillahi wa amrihi. Et bien entendu, ces savants-là, ce sont des savants qui ont la connaissance d'Allah Azzawajal, comme on l'a expliqué, qui connaissent, et qui connaissent donc sa religion, amrihi, sa religion. Wa l'ijma', bien entendu, il est toujours mustanad. Il revient donc toujours et relatif toujours où il a un lien direct au Coran et à la Sunna. Taïb. Et il va nous donner des preuves de ce qu'il a dit lorsqu'il a parlé du dhikr. Et les preuves qu'il nous a données, c'est ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qui est auprès de l'authentique de l'imam muslim. Sabaqa al-mufarridoun. Et certains savants, ils ont dit al-mufridoun. Al-mufarridoun ou al-mufridoun. Donc, al-mufarridun, comme si yatafarradun, c'est-à-dire c'est comme si donc il se démarquait, il se distinguait des autres. Et lorsqu'on demandait au prophète sallam qui ils sont, ou ils ont demandé wa man al-mufarridun as-sahaba, il a dit le prophète sallam adh-dhakirun Allah kathira wa adh-dhakirat, c'est-à-dire ceux qui font le dhikr d'Allah beaucoup, continuellement, et également adh-dhakirat, c'est-à-dire concernant les femmes, ces hommes et ces femmes qui sont donc sur cette adoration de manière continuelle. Et dans une version qui est authentique et qui est rapportée par l'imam Ahmed ou al-Hakim, le prophète sallam il a dit huma alladhina ihtazzu fi dhikrillah. Huma alladhina ihtazzu fi dhikrillah. Ma huwa al-ihtizaz? Al-ihtizaz, à la base dans la langue arabe, bien entendu les termes qui sont présents dans le Coran et la Sunna, pour les expliquer et pour en connaître donc le sens, on revient dans un premier temps au sens linguistique. Taïb. Mais il se peut que ce sens linguistique, vu que c'est large, il aura une acceptation bien plus spécifique et par moments différente dans la religion. Et ici donc, al-ihtizaz, pourquoi je vais vous donner le sens au niveau de la langue arabe? Car il y a certains égarés dans la communauté qui prennent cette parole prophétique pour dire qu'il est permis lorsqu'on fait du dhikr de faire quoi? Des mouvements. On commence de faire cela avec sa tête comme font les soufis. Taïb. Pourquoi? Parce qu'al-ihtizaz dans la langue arabe, ça veut dire donc ça a une notion de mouvement. Yahtaz, tu vois? Yani, faire des mouvements, ça implique des mouvements. Donc, al-ihtizaz, c'est ce que ça veut dire dans la langue arabe. Donc eux, ils ont pris le sens de la langue arabe. Ils ont dit, il est permis de faire cela dans la religion, de faire du dhikr en bougeant la tête, par exemple, droite à gauche, voire de bas en bas, de haut en bas, et faire des mouvements, et même jusqu'à se balancer comme ils font, vous savez, presque à danser. Donc ils ont dit, nous on a une preuve de la sunna. Comment on répond à ces gens-là? Comment on va répondre à ces gens-là? Une personne qui vient, il dit, un soufi vient de voir, il dit, moi j'ai une preuve de la sunna, un hadith qui est authentique, une réponse du prophète sallam authentique. Yani hum alladhina ihtazzu fi dhikrillah. Ou bi dhikrillah. Yani, fi dhikrillah. Il est dans le dhikr d'Allah, dans le rappel d'Allah Azzawajal. Comment on le répond? Qui c'est qui nous donne une réponse à cela? Fadal. Ça, c'est la réponse, la première qu'on donne, et la plus importante. Pourquoi nous on dit le Coran et la Sunna à la femme salaf salih? Pourquoi on dit d'abord le Coran et la Sunna à la femme salaf salih? Pourquoi donc on dit qu'on comprend le Coran et la Sunna suivant la compréhension des plus prédécesseurs? On dit cela parce que ça a été les hommes, les sahaba, c'était les hommes qui ont été éduqués chez le prophète, qui ont reçu les enseignements du prophète directement. Taïb. Et ils sont les plus savants et les plus à même de connaître ce qui est le sens de la sunna. Et bien entendu également le sens du Qur'an. Donc ce qaïd, cette restriction dans la méthodologie d'apprentissage de la religion, elle est fondamentale. Et c'est une base que personne ne peut nier et que personne ne doit nier. Bien au contraire, on doit donc approuver et citer, et ça c'est strictement obligatoire. Et ici un exemple, comme il a dit le frère, ceux qui ont compris, ceux qui ont rapporté ce love, qui ont rapporté cette version du hadith, est-ce qu'eux ils ont fait ou ils ont compris le hadith comme l'ont compris les soufis qui sont venus bien après et qui ont apparu bien après, ou cette innovation qui est apparue après? Personne n'a fait ça parmi les sahaba. Donnez-moi un sahaba ou un tabi'in qui, ou ceux parmi les salafs pieux qui ont fait cette pratique. Personne n'a fait cette pratique. Donc regardez, c'est la base, c'est comme ça que le musulman il réfléchit. C'est comme ça qu'il se base sur les actes qu'il fait dans la religion. Il regarde s'il y a une ambiguïté par rapport à un verset du Coran. Il y a une ambiguïté par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sa compréhension. Alors il regarde comment les sahaba ils l'ont compris et comment ils l'ont appliqué. Donc personne parmi les sahaba ils ont fait cela. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on revient aux savants qui ont expliqué la sunna. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme indication et comme définition pour ce qui est de ce terme? Ils ont dit يعني لمع به ولا يتحدث إلا به أو لهج به يعني اعتاد به أو اعتاد عليه. C'est tout simplement, ça veut dire tazabi, c'est la personne qui fait ça de manière continuelle, qui est khlas. يعني il parle tout le temps avec du dhikr Allah. يعني principalement, s'il ne parle pas d'une chose qui va être profitable, ou alors s'il ne discute pas avec une personne, on va le voir que dans la plupart du temps, donc c'est ce que ça veut dire, comme l'ont expliqué les savants. Ça donc c'est la première preuve qu'il a donnée, le shir. Et la deuxième preuve, en parlant du dhikr, où il nous dit وَفِمَا رَوَى أَبُو دَوُودَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم نعم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق. Ne vous indiquerai-je pas le meilleur de vos actes et le plus pur auprès de votre souverain, le plus élevé en degré et meilleur pour vous que de donner de l'or et de l'argent. الذهب l'or والورق c'est l'argent. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وَيَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَا ذِكْرُ اللَّهِ. Et donc, et mieux que de rencontrer vos ennemis au moment où vous frappez leurs coups, où ils frappent vos coups, c'est-à-dire au moment de l'affrontement avec les armes, au moment le plus dur du combat. Et n'am. Car à ce moment-là, à ce moment du djihad, lorsqu'on est face à l'ennemi et qu'on commence la bataille, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ce qui est encore meilleur que cela, ce qui est encore plus élevé que cela, c'est le rappel d'Allah Azzawajal. C'est le rappel d'Allah Azzawajal. Na'am. Car le rappel et le dhikr, de par son unicité, subhanahu wa ta'ala, de par ses noms et ses attributs, etc. Et ce dhikr qui est permanent, c'est le but même. C'est le but même. Et c'est pour cela que Allah, il a créé les êtres. Yani, qu'on fasse toujours du dhikr, en se rappelant le tawhid d'Allah Azzawajal, en concrétisant le tawhid d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est donc ici un grand point dans l'adoration après les obligations, après ce qui est du domaine de l'obligation. Et ensuite, il dit وَالدَّلَائِلُ الْقُرْآنِيَةُ وَالْإِيمَانِيَةُ بَصَرًا وَخَبَرًا وَنَظَرًا عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا كَثِيرَةٌ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يُلَازِمَ الْعَبْدُ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ عن معلم الخير وإمام المتقين وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب. Donc ensuite il nous rappelle que les preuves du Coran, que les preuves que la personne elle-même peut voir, les informations qui lui viennent, ce qu'il peut témoigner, ce qu'il peut s'apercevoir, tout ce qui est autour de lui, il ne pourra donc dénier ce que rappelle le shir. Taïb. Et il nous dit ensuite que le moindre degré dans ce qui a été cité par rapport au dhikr, il nous dit, c'est que la personne, alors, elle fasse le dhikr qui est ici hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit Al-Afkar al-Ma'thura, c'est ce qui est hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. In'am. Surtout les afkar qui sont ici muqayyada. Parce qu'on va voir qu'il y a donc deux types de afkar. Il y a deux types de rappels. Il y a des rappels qui sont mutlaqa, c'est-à-dire que l'on dit à tout moment. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas un lieu pour les dire. On les dit donc à tout moment. Comme dire la ilaha illallah, subhanallah, ou bihamdi, etc. Donc il y a du dhikr qui est mutlaqa. Et il y en a certains qui sont muqayyada, comme va ensuite le citer le cheikh, va nous donner beaucoup d'exemples. El muqayyad bil amkina ou bil azmina, c'est-à-dire ce qui va être restreint par rapport au temps et par rapport au lieu. Par rapport au temps et par rapport au lieu. Ensuite, on va voir les exemples. Ou alors par rapport également à l'amel, par rapport donc à l'acte qui est fait. Parce qu'on fait cet acte-là, quel est le meilleur dhikr que l'on doit faire. Yani, ou Arfouane, quel est le dhikr que l'on doit faire au moment de faire cet acte-là. Donc c'est également muqayyad, c'est-à-dire restreint par un acte. Et on va le voir avec les exemples qui vont nous donner le shirk. Tayyib. Il dit qu'al afkar al-muwaqqata. Donc comme les temps comme les Arfouane, le dhikr qui a un temps ici qui est précis. Comme le début de la journée et la fin de la journée. Tayyib. C'est ce qu'on appelle afkar sabah ou al-masa. Également, au moment où on va se coucher. Indal istiqad min al-manam wa idbar as-salawat. Wa idbar as-salawat. Comme le fait également lorsqu'on se réveille de notre réveil, lorsqu'on se réveille de notre sommeil, et lorsqu'on finit nos prières. Toutes nos prières qui sont obligatoires. Tout ça, il y a bien entendu des afkar, des invocations que l'on dit à ce moment-là. Des rappels que l'on dit à ce moment-là. Wa al-afkar al-muqayyada, donc on est toujours al-muqayyada et al-muqayyada, كذلك. Tayyib. Al-muqayyada, lui il voit ici al-muqayyada, il veut dire donc comme on a dit bil-amal ici. Bil-amal. Yani mithl ma yuqal 'inda al-akl wa ash-shurb, ce qu'on dit au moment de boire et au moment de manger. Wa al-libas wa al-jima', lorsqu'on met nos habits, on s'habille. Et lorsqu'on a un rapport sexuel avec son épouse. Taïb. Wadukhul al-manzil wal-masjid wal-khala, lorsqu'on rentre dans la mosquée, ou enfin lorsqu'on rentre d'abord dans la maison, lorsqu'on rentre dans la mosquée, lorsqu'on va aux toilettes, lorsqu'on en ressort, wa 'inda al-matar, également lorsque la pluie elle tombe, war-ra'd, également lorsque le tonnerre gronde, ila ghayri dhalika. وقد صنفت له الكتب المسماه بعمل اليوم والليله. طيب. Et donc il y a eu des livres qui ont été spécialement écrits dans cela, les œuvres ou les actes de la journée et de la nuit. Comme c'était comme le livre qui a été écrit par l'imam an-Nasa'i nafsu et qui a écrit donc cette œuvre là qui concerne al-afkar et qui porte le même nom, amal al-yawm wal-layla. Il nous dit ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. Et ensuite donc, après qu'on ait terminé d'avoir appris et de savoir réciter ces du'as, et bien entendu lorsqu'elles sont muqayyada, il a bien dit le shir, al-ma'thura, c'est-à-dire elles sont héritées du prophète. Et ça rentre, on est bien dans le domaine de l'adoration. Et si on est dans le domaine de l'adoration, on se rappelle que al-ibadatu توقفية نتوقف على الكتاب والسنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. C'est-à-dire donc qu'on ne peut pas inventer à ce moment-là des rappels de nous-mêmes pour ce qui est des al-muqayyad et كذلك al-mutlaq. طيب. Donc les rappels ils sont présents, ils sont hérités du prophète. On doit les apprendre tels qu'ils nous ont été rapportés des rapporteurs du hadith. On n'a pas le droit d'augmenter ou alors de restreindre ou alors d'enlever, d'augmenter ou d'enlever, de supprimer des termes. Donc on doit les dire et on doit les apprendre comme ils sont venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il nous dit Mulazamatu dhikr mutlaqan, alors on se rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, ou Ibn Majah, ou Ibn Hibban, Kadhalik, ou Al-Hakim, et qui est Hassanahu l'imam al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazalu lisanuk ratban bi dhikrillah. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ratban bi dhikrillah? Ratban bi dhikrillah. Il nous explique l'imam al-Mubarak Fouri, fi Tuhfat al-Ahwadi, il nous dit Tariyan, Tariyan, Mushtarilan, Qarib al-Ahd, Minhu, wa kinayatu bil mudawama ala dhikrillah. Donc c'est tout simplement ici une kinaya, une métaphore qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous indique que la personne, elle ne cesse de dire le rappel d'Allah azawajal. Ratban. Donc sa langue, elle est toujours animée par quoi? Par le dhikr d'Allah azawajal. Ratban. Donc c'est quelque chose qui reste mouillé, quelque chose qui, le contraire, quelque chose qui est sec. La personne, lorsqu'elle ne parle pas, taïeb, ou lorsqu'elle ne dit rien, alors elle n'est pas dans un, elle ne rentre pas ici dans ce qui est le wasf, yani ratban, qui reste donc tout le temps active par le dhikr. Ensuite il dit وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. Et donc ensuite il y a le reste des afkar que l'on dit, et que suivant les états où l'on se trouve, alors ils seront les meilleurs, comme سبحان الله وسبحان الله c'est التنزيه والتقديس من كل جميع النواقص, c'est-à-dire donc attesté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est pur, qu'il est éloigné de tout quoi, de toute imperfection. Ça c'est ma'na subhanallah. Walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadha kanzun min kunuz al-jannah, kama sahha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kanzun min kunuz al-jannah. Wala hawla, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Lorsqu'on change, on se change, ou que notre état change d'un état à un autre, alors ce changement ne s'est fait que par Allah, yani par la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, notre force, elle n'existe que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans tout cela, il n'y a rien de meilleur de ce qui a été cité. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Et sahha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min hadith Jabir, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou hassanu l'imam al-Albani, qui est rapporté également par d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul Afdalu dhikr, la ilaha illallah. Donc le meilleur du dhikr, c'est la ilaha illallah. Ou afdalu du'a, alhamdulillah. Et la meilleure des invocations, c'est quoi? C'est alhamdulillah. Hada sahah an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est authentique de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il nous dit Thumma ya'lamu anna kullama takallama bihi al-lisanu wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ilallahi min ta'allumi ilmin وتعليمه وأمر بمعروف والنهي عن منكر والنهي عن منكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل بالطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. Et donc il nous dit le cheikh que l'on doit savoir que tout ce que Al-Lisan, lorsqu'elle est active et qu'elle dit le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, tayyib, et que tout ce que tasawwar al-qalb, yani tasawwar huna ma'na a'mal al-qulub, mithal al-ihtiqad, mithal al-mahabba, mithal al-khashya, mithal al-khawf, wal-raja, etc. Ça rentre dans tasawwar, wa tasawwar al-qalb, tayyib. Donc, Mimma yuqarribu ila Allah, tout ce qui permet donc de se rapprocher à Allah Azzawajal, min ta'allumi ilmin wa ta'limihi, comme le fait d'apprendre aux gens une science, ou alors qu'ils apprennent de nous. Donc quand on est en ce moment-là, comme aujourd'hui, alors on est dans quoi? On est dans quoi? On est dans dhikrillah. On est considéré comme dhakirun wa dhakirat. Wa dhakirun. Ici il y a des hommes. Ensuite, il nous dit wa amr bi ma'ruf wa nahy an munkar, c'est-à-dire donc ordonner le bien et interdire le mal. Également, ça fait partie du dhikr. Ça rentre dans le dhikr. Il nous dit fawa min dhikrillah. Donc tout cela, ça rentre dans quoi? Dans le dhikr d'Allah Azzawajal. Wa li hadha man ishtaghala bi talab al-'ilm, bi talab al-'ilm, celui donc qui va apprendre maintenant la science, an-nafi', la science, pas n'importe quelle science, la science an-nafi', la science qui est utile, ba'd ada al-fara'id, après donc qu'il a accompli les obligations. Aw jalasa majlisan yatafaqqa wa yufaqqihu fihi al-fiqha alladhi sammahu الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها أو لا personne donc qui s'assoit dans une assise et qui apprend la compréhension de la religion. الفقه c'est de manière générale la compréhension de la religion. Taïb, cette personne là et cette jurisprudence et cette compréhension de la religion qui a appelé comme le shir ou comme l'a appelé fiqh Allah et son prophète, qu'on regarde dans la sunna, qu'on regarde dans le Coran, ce qui est nommé ilm, alors il nous dit que cela également, ça fait partie des meilleurs, de ce que l'on trouve de meilleur dans le dhikr d'Allah Azzawajal, dhikr Allah. Sachant que, comme on a dit auparavant, qu'il y a deux sortes de ilm, el-ilm, que tout musulman il doit apprendre, et le ilm qui est obligatoire pour seulement une partie de la communauté. Donc c'est huna yani farb ayn ou farb kifa'i. C'est-à-dire donc il y a des gens qui doivent apprendre la religion, mais c'est-à-dire ce yani se spécifie plus, que ce soit dans des dans certaines sciences ou alors dans plusieurs sciences suivant le niveau des gens. Ça c'est pas obligatoire pour tout le monde. Si une partie le fait, ça suffira pour la communauté. Mais par contre, apprendre les bases du droit d'Allah, apprendre les bases du tawhid, ça c'est obligatoire pour qui? Pour tout le monde. Et lorsque vous avez appris donc al-usul al-thalatha, connaître les trois bases, est-ce qu'elle comprenait ces trois bases, hein, de connaître son Seigneur, de connaître sa religion, de connaître son prophète, ça, ça rentre dans les choses qui sont obligatoires, que tout le monde doit apprendre. Yani, personne n'est excusé dans cela. La personne, elle ne se détourne pas de cet apprentissage. Sinon, elle tombe dans ce qui est muharram, dans ce qui est interdit. Elle doit apprendre le nécessaire dans sa religion. Également, donc, ce qui rentre dedans, l'aqida, le minimum de la croyance, qu'elle connaisse donc son Seigneur un minimum, et pour savoir qui elle adore, et ensuite la jurisprudence, c'est-à-dire comment elle adore son Seigneur, comment elle l'adore. Et donc, ici, c'est le fiqh, de savoir un minimum sur les pratiques, comme la prière, comme la zakat, etc. Et c'est pour ça qu'également, il avait été fait la dernière fois le Durus al-Muhimma, où il contient donc un minimum de fiqh que l'homme ou que le musulman il doit connaître et savoir. Il ne doit pas être un ignorant de cela. Et c'est pour ça que, comme il est venu dans le hadith de Anas, et qui est rapporté par Ibn Majah ou al-Bayhaqi, fi Shu'ab, et qui est un hadith également rapporté par al-Albani fi Sahih al-Jami', du Sahih, où Anas il a dit, en remportant cette parole du prophète sallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. C'est-à-dire donc, apprendre la religion, ou apprendre la science, c'est une obligation pour tout musulman. Et cette obligation, c'est le domaine dont on a parlé. Et donc ici, le shir, lorsqu'il parle du ilm après le fara'id, il veut dire quoi par là? Et ça rend fi dhikrillah. Il veut dire quoi? La première catégorie, la deuxième catégorie? Ce qui est voulu par le shir ici, c'est ce qui est obligatoire ou surrogatoire? Il y en a qui est obligatoire uniquement pour une partie de la communauté. Al-Ain, il nous dit Ba'd Ada il Fara'ib. Wal-Kifa'i, comme apprendre par exemple Ulum al-Ala, ce qu'on appelle Ulum al-Ala, c'est-à-dire les sciences qui nous permettent de comprendre avec précision le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour en tirer des règles, etc. Donc connaître ulum usul al-fiqh, ilm usul al-fiqh, ilm al-hadith, ilm al-fiqh, ilm al-lura, yani al-nahu, al-sarf, etc. Tout ce qui rentre dans ces ulum, lorsque la personne apprend plus, yani. طيب. نعم وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف كبير اختلاف. C'est-à-dire donc si tu regardes maintenant, si tu observes les paroles des prédécesseurs, donc des premiers parmi les musulmans, ceux qui étaient au plus haut niveau de science et qui étaient nos modèles que l'on doit suivre, donc Salaf Salih al-Awwalin, il nous dit si on observe donc ce qu'il disait, ce dont il parlait en ce qui concerne la catégorie dont on est en train donc de discuter, de développer, il nous dit tu ne vas pas trouver de grandes différences. Tu ne vas pas trouver de grandes différences, comme on a dit, parce que cela revient par rapport au temps, par rapport au lieu, par rapport aux personnes, etc. Donc en réalité, si on regarde bien, il n'y a pas de différence, une grande différence dans leurs paroles. مكمل أو مكمل قليل أو كيف؟ الاستخارات. ها؟ الاستخارات. صح. يحتاج شو؟ خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وتعالى. سبحانك ربي وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.